Vous aimez être à la pointe de la performance? DS Automobile présente DS3 Performance Line. Avec ses projecteurs DS LED Vision, ses sièges sport, son aileron de requin et son pack Performance Line, cette citadine produite en France combine parfaitement dynamisme et raffinement. DS Automobile. Jusqu'au 31 janvier, pendant les essais Performance Line, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur pour l'achat de DS3 Performance Line. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr. Affaire sensible de la fiction, aujourd'hui L'amour vache, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Manuel Calma, réalisée par Sophie Aupicon. Certaines histoires sont plus étranges que d'autres et d'autres encore plus terribles. C'est un peu le cas aujourd'hui dans Affaire sensible de la fiction, avec l'histoire de Gilou, éleveur dans une petite ferme isolée de la Sarthe. Gilou vit seul, séparé de sa femme, son fils n'a pas voulu reprendre l'exploitation, alors à 55 ans, Gilou ne sait pas, non, il ne sait plus comment continuer. Ce cas est malheureusement courant en France aujourd'hui. Un agriculteur se suicide tous les 3 jours. Dans le magnifique et terrible documentaire intitulé « Les fils de la terre » sorti en mai 2013, Édouard Bergeon dresse le portrait d'un agriculteur au bord du gouffre financier. Les premières phrases du film expliquent pourquoi Édouard Bergeon a dû réaliser ce documentaire, son premier en tant qu'auteur. Voici sa phrase. Christian Bergeon, mon père, était agriculteur, comme son père, comme son grand-père et son arrière-grand-père. Mon père était agriculteur et il en est mort. Il s'est suicidé et il n'est pas le seul. Quelque temps après, le 10 janvier 2016, l'émission de grand reportage de France Inter, Interception, diffuse un documentaire réalisé par Vanessa Descoureaux qui raconte ces centaines d'agriculteurs qui, chaque année, dans toute la France, à bout de force, pressés de crédit, dépossédés de la maîtrise de leur travail, ensevelis par les réglementations, décident de mettre fin à leur jour. Peu de professions sont autant menacées. Le métier de paysan est devenu une occupation solitaire. Car c'en est fini des solidarités rurales. L'agriculture est aussi passée sous le contrôle constant et oppressant de ceux qui financent et qui n'ont pour tout critère que celui de la rentabilité. Le suicide est devenu dans les campagnes la 3e cause de mortalité derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, en janvier 2018, la situation n'a guère changé. Le monde agricole est toujours très fragilisé. Dans un article paru dans le journal Libération en février 2017, Philippe Brochin explique que les défaillances des entreprises agricoles ont encore augmenté avec 1331 redressements judiciaires ou mises en liquidation. 20 000 exploitations sont menacées de disparition. Voilà. Pour nous aider à comprendre les raisons de ces difficultés humaines et économiques qui plongent le monde paysan depuis de longues années dans une telle souffrance, nous recevrons en seconde partie d'émission, après la fiction donc, Laurent Pinatel, paysan dans la Loire et porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'amour vache de Manuel Calma. Message. Allô, Gilou ? T'es là ? C'est moi, Nadine. Ah, encore celle-là. Ok, tu veux pas répondre. Je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Ouais, c'est ça. Tant pis. Il paraît que ça s'est mal passé avec Ludo. Vous êtes des têtes de mule tous les deux, hein. Pas vrai. Tu manges pas beaucoup, il paraît. Mmh. Bon, Gilou, ton fils, il veut t'aider, tu sais. Ouais. Et puis, il y a le bébé qui va arriver. Bla, bla, bla. Toujours donneuse de leçons, celle-ci. Ça change pas. Mais c'est pour ça qu'il va te ramer vache. Ça a donné combien de litres ce matin? Tout juste de quoi payer le veto? Que des miettes de gâteau qu'ils nous ont laissés. On est les forçats de la terre. Ouais. Ah, c'est pas avec ça qu'on va se payer des vacances aux Seychelles, ça, non? Pas sûr que ma petite fille voit ça un jour. D'ici qu'elle gambade dans les prés, j'aurais peut-être liquidé... toute une vie qui part en fumée, personne n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, Gilou fête ses 55 ans. Pour cet éleveur touché de plein fouet par la crise du lait, anniversaire ou pas, les vaches n'attendent pas. Tous les matins, levé à 4h45, traite des vaches avant que le camion citerne ne vienne collecter le lait dans la matinée. En avril 2009, le cours du lait a dégringolé. Gilou a serré les dents, en attendant des jours meilleurs qui tardent à arriver. Et puis, le deuxième couperet tombe en 2014, lorsque l'Europe décide d'abandonner les quotas de production. La grande distribution fixe les prix de vente et les coopératives dictent les conditions de la collecte. Autant dire que les éleveurs sont le dernier maillon de la grande chaîne du profit. Leur sort ne dépend plus de la bonne gestion de leur exploitation, mais du bon vouloir des géants du secteur. 55 ans, dont 35 ans de bons et loyaux services à l'entreprise familiale, à une certaine idée de l'élevage. Son ami André a décidé de jeter l'éponge face aux fermes usines qui sont en train d'imposer un nouveau modèle économique. Ce matin, il vend son exploitation en pièces détachées et aux enchères. Vous connaissez tous la procédure, la liste des lots ici présents nous a été distribuée. Voilà, donc je vais annoncer les lots les uns après les autres, commencer les enchères. Vous connaissez le système, hein? Alors nous commençons la vente par le lot numéro 1. Il s'agit d'une parcelle qui est proposée à 1 500 €. 1 500 € pour le lot numéro 1, une parcelle de maïs. Oui. 1 800 ici, 2 000 € ici, 2 000 € pour la parcelle, 2 300 pour la parcelle. Ah, Gilou, c'est fini. Ça va faire plaisir à Dédé. Il a besoin de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Arrête de te fâcher. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, Dédé a besoin de tout son monde autour de lui. Et puis, je représente ton fils qui n'a pas pu se libérer. Il avait des réunions au syndicat. Ah, le syndicat. La baguette magique. Toutes ces mines déconfites. Quelle mascarade. Pourquoi tu crois qu'il brade son exploitation, le Dédé? Pas le choix. L'Europe, les hypermarchés, nos coopératives et vos syndicats, tiens. Allez hop, tous dans le même sac. Allez, tu te fais du mal, Gilou. Pense à Dédé aujourd'hui. Tu es son seul ami. Il fait pas ça de gaieté de cœur, tu sais. Ouais, on est plus forts à deux, ça c'est sûr. Une bonne femme qui se casse, pour sûr, ça nous aide pas. Il n'est pas question de ça. Il est question d'un système qui ne vous aide pas. Et nous, on se bat pour que les groupes ne vous engloutissent pas. Mademoiselle, je sais tout. En t'enchaînant aux outils de production des fermes-usines, tu crois que tu vas faire bouger les choses? Les vaches, elles cesseront pas de tourner comme des toupies et on leur tirera le lait jusqu'à les vider de leur dernière goutte, là. Tu changeras jamais rien à ça. Et pourquoi pas? Tu veux me faire le coup du colibri? De la goutte d'eau qui grandit jusqu'à devenir un lac puis un océan? Vous êtes des poètes, vous. Il en faut, je dis pas. Mais moi, je me nourris d'autre chose que de vers de mirliton. Et mes bêtes, n'en parlons pas. Tu sais combien ça coûte de nourrir 35 bêtes à l'année? Ça coûte cher, je sais. Plus que tu ne penses. Je vais te dire, moi. 127 000 € par an au minimum. Et on les trouve pas sous les sabots d'un cheval. Ça se trouve qu'à la banque. Et elle nous assassine au moindre retard de paiement. Qui est-ce qui vous nourrit, hein? C'est nous, les bouseux, bah voyons. Pas les ronds de cœur de Bruxelles. On a les pieds dans le fumier et le nez dans les mamelles. Et pourtant, on les fait bouffer, tous vos enfants. T'en es où, d'ailleurs? Je vois que ça s'arrondit. Presque 7 mois. Oh, t'es pas bonne épaisse, dis donc. Et tu repasseras chercher de la crème, hein. Et puis des œufs aussi. Ah, me fais pas chier. Me fais pas le coup des régimes, comme tous tes néo-ruraux avec leur bio. Et comme si je sortais du poison des pieds de mes vaches. Mais je sais, Gilou. Tiens, regarde-moi tous ces rapaces. Maintenant que mon brade, hein, ils crachent pas sur les bêtes de Dédé, pardi. Tous des chacals que je te dis. 650 pour la génisse. 650, c'est pas cher, messieurs. Dames. On peut monter à 700 euros. 700 euros, c'est un très bon prix. 730 euros pour la génisse. Bon sang. Toute une vie qui part en quelques minutes. Très bon prix. 750 pour cette magnifique bête. 750, 780, monsieur les connaisseurs. 880. On est monté à 880. Une hausse. André aurait pu prendre sa retraite dans 5 ans et finir en beauté. Harcelé par les créanciers, il jette l'éponge, comme 10 000 fermiers chaque année. En 10 ans, la France est passée de 700 000 exploitations à moins de 400 000. 20 000 sont régulièrement menacés de banqueroute, selon la FNSEA. Une désertification des campagnes qui semble inévitable. 50% des agriculteurs ne touchent que 350 euros par mois. Pour les transformateurs et les distributeurs de lait, nous ne sommes qu'une variable d'ajustement, résume une trentenaire qui se bat, comme lui, tous les jours. Toute la région est venue assister à la mort de l'élevage d'André, entre compassion et crainte non avouée d'être le prochain sur la liste. Bon, Gilou, il y a Dédé qui arrive, je te laisse. Ce soir, toutes ces bêtes seront vendues. Regarde, mon poteau. Si ça fait pas mal au cœur tout ça. Tu sais, Gilou, j'ai bien réfléchi. Je pouvais pas continuer comme ça. Là, au moins, je vais les sauver. Je les aime, ces bestioles, tant que je les bichonne. Mais je veux pas y perdre ma santé. Je veux voir mes petits-enfants grandir. Ah, tu parles comme les assistantes sociales. Comme Léa et mon fils, tiens. Bah, moi, je démissionne pas. Il s'agit pas de démission. Bah, c'est quoi, alors? On est les derniers des Mohicans ou pas? C'est comme ça qu'on s'appelait quand on était petits. Le trio infernal. Hein, tu te souviens, hein? Avec Roger, quand on fumait le calumet, pendant que nos pères y comptaient les billets, ils en faisaient des bénéfices. Et comment? Et nous, on accumule les dettes. Ah ouais, comment? Ils nous inventent des nouveaux métiers, t'as vu ça? Manager de troupeau. Comme au McDo. Ouais. On nous prend vraiment pour des moutons. Tu crois qu'ils bougeraient leur cul pour traire les vaches? Mais ça pue le cul d'une vache. Ah ça oui! Il faut bien que certains s'y collent. C'est pour ça que j'arrête les frais, mon poteau. On parle plus le même langage. Le métier a changé. On est harcelé et essoré. On est dans la merde. Toi aussi, tu vas te tuer. Tu sais, le lait, c'est terminé. Moi, jamais, tu m'entends? Ma place, elle est collée au cul de mes vaches. T'as vendu à Agri Moderna mes couilles. J'ai sauvé mes bêtes, c'est l'essentiel. Ouais, bah t'as surtout vendu un peu de ton âme au passage, faut avouer. Eh, dis-moi, c'est qui celui-là qui tourne autour comme un vautour? C'est Lucien Astery, ils mettent dans la vente. C'est Léa qui me l'a présenté. Au moins, je sauve les meubles. C'est ce qu'ils te disent. En réalité, t'as vendu à ceux qui font monter le prix de l'hectare tellement haut que le jour où on crève, on peut même plus les gagner aux enfants. Les droits de succession, ils viennent remplir les caisses de l'État. Ça, oui. Et nos enfants, ils l'auront dans le baba. Permaculture ou pas. Bio ou pas. Avec la flambée des prix, même s'ils voulaient reprendre l'affaire de papa-maman, ils peuvent plus. Et puis je te parle même pas des fermes-usines qui tôt ou tard s'implanteront à côté, hein. On est tous morts, mon vieux. On est tous morts et c'est ce qui va se passer. On va tous crever. Tu préfères venir me décrocher un matin, quand je me serais passé la corde au cou, comme le pauvre Roger, hein, Gilou? Pauvre gamine, la Léa. Elle s'en remet tout juste de la mort de son père. Je lui en veux dans son combat, mais je peux pas m'empêcher de l'aimer. Elle va me donner un petit fiston, une petite fillette, nom de Dieu. T'as raison, on est déjà dans le couloir de la mort. On va tous y passer. 970, 970, 970, est-ce qu'on reste à 970, 970 une fois, 970 deux fois, 970 trois fois, c'est vendu, madame. Félicitations pour la magnifique génisse laitière. Adjugé vendu. Et messieurs, dames, maintenant nous arrivons à une mangeoire. Nadine, oh. Ça fait des semaines que tu réponds à personne, ouais, même à Dédé. Ouais. Il a trouvé une place à l'usine. C'est pas facile. Pleurnicheuse celle-ci. Ça va pas régler la réparation de la bétaillère et l'achat du fourrage pour cet hiver. Gilou, si t'as besoin que je t'aide pour la compta... Ah t'es là toi, je t'ai pas entendu arriver. On rentre comme dans un moulin ici. C'était Nadine qui faisait la compta. Il te reste de l'herbe et du foin pour finir l'hiver ? Lucien, tu sais, le gars du syndicat, il propose de t'aider pour échelonner les paiements. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous prend ? Mais nom de Dieu, mais moi je suis pas un enfant. Et puis regarde-toi, t'es sur le point d'accoucher. Ça va, t'inquiète pas, j'ai encore une petite marge. Tu sais, ça doit pas s'accumuler dans la machine, les grains de sable. Hein. Sinon, on a vite fait de s'enrayer. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Et puis j'ai pas envie qu'on vienne mettre le nez dans mes comptes. Même si je suis blanc comme neige. Je sais bien. Mais tu te mets trop de charges sur les épaules, Gilou. On est inquiet. Et je sais de quoi je parle. Ah, ça. Tu parles comme mon fils. Faites bien la paire, tous les deux. Non. Je parle comme une fille qui a perdu son père. Et qui s'en veut de pas avoir vu de quel mal il souffrait. De quoi tu causes ? D'un mal qu'on ne nomme pas. La dépression. Ah. J'ai rien vu. Et je veux que ma fille connaisse au moins son autre grand-père. Elle connaîtra un grand-père. Mais je suis plus celui que j'aurais voulu qu'elle connaisse. Arrête de dire n'importe quoi. Il faut que tu penses à toi, à nous, Gilou. Mais ça fait longtemps que je compte plus les moutons, va. Moi, je compte à l'infini tout ce que je dois. Et ça commence à chiffrer. Tout ce qu'une vache me coûte à la journée. 1,50€ par tête de pipe. Et je te parle pas de tous les frais. Un gouffre. Et on est passé de 38 centimes le litre à 29 centimes. En un claquement de doigts des grands de ce monde. Le tas de merde qui grossit tous les jours, c'est pour nous, les cutéreux. Mais c'est qui celui-là ? Où ça ? Dans mon champ, là-bas. Gilou, il n'y a personne dans ton champ. Si, si. Il y a un mec qui rôde. Il reste à la lisière le jour et je l'entends s'approcher la nuit. Tu rêves la nuit, Gilou, c'est tout. Non, je rumine. Comme mes vaches. Tu dors pas, ça se voit. T'inquiète. On s'inquiète. Les cachets me font tenir. C'est pas la solution. Faut te faire aider. Pense au syndicat, on peut t'aider à faire des choix, on est là pour ça. Ah, recommence pas. Moi et mes bestioles, on a besoin de rien. Allez hop, file, il est tard. Dans ce monde de la paysannerie, chacun donne son avis. Et Gilou, il en a marre des avis. Comme les autres, il s'est vu proposer toutes sortes de solutions pour optimiser sa production. Une armée de robots dans sa salle de traite, par exemple. Des frais. Encore des frais. Et une automatisation dont il ne voit pas l'intérêt. Pas besoin d'une machine pour repousser le lisier, pour rationner la nourriture, scanner les mamelles et détecter les risques de mammites. Certains prônent des polycultures herbagées pour éviter l'achat de soja et de maïs. D'autres préconisent des fertilisants naturels, chimiques, à base d'azote, le regroupement de producteurs pour truster les coopératives, ou alors la multiplication des grosses exploitations. Produire plus pour gagner plus. Mais à quel prix ? moi. C'est Nadine. Ah, la voilà, celle-là. T'es où? Ça fait des jours qu'on essaie de te joindre. Ouais. Tu t'es pas cassé la gueule, au moins, avec tous les médocs que tu prends? André t'a attendu l'autre jour, mais t'es pas venu. Tu sais, il s'y fait à l'usine. Ben voyons. Tu devrais y réfléchir pour toi. Février. Mois des crises de panique, des dépressions enkystées et des tentatives de suicide. Mois des prévisions impossibles. Les CGV. Conditions générales de vente. Trois lettres qui empêchent tout le monde de dormir. Toute l'année, les paysans souffrent, s'accrochent, se battent pour redresser des situations catastrophiques, pour sauver leur famille. Mois où les vies semblent moins compter. Au moins un paysan se donne la mort chaque jour. Désœuvrés, isolés, certains choisissent d'en finir, quand d'autres, comme André, ont pris le chemin de l'usine en silence, juste pour survivre. Allô, Gilou? Tu m'inquiètes? Eh oui. Rappelle-moi. Moi, ça va, mon poteau, je m'y fais. On me traite pas si mal. C'est la chaîne, quoi. J'emballe du préparation fromagère ou des fromages en capsule. Il paraît que les minots en raffolent. Alors, tous les matins, j'espère au moins que c'est ton lait qu'on vient acheter, mon Gilou. Et j'ai gardé les bottes en caoutchouc. Je fais mon boulot et je pense à rien. Ça repose. Eh oui. Dis, si t'as besoin, je peux prendre une RTT par-ci, par-là. Ça me manque, la salle de traite. Je peux venir te donner un coup de main. Adieu, mon Gilou. Ah, c'est ça, adieu, oui. Ce que Gilou ne peut pas dire à son ami d'enfance, c'est qu'il doit désormais 300 000 euros à la banque. Sans compter les agios qui galopent, toutes les nuits, il est hanté par l'image de son grand-père. Lui faisait vivre toute la famille. Dans son fort intérieur, Gilou sait déjà qu'il n'accompagnera pas sa petite-fille Lily aux vaches. De semaine en semaine, il voit ses réserves se réduire comme peau de chagrin, jusqu'au jour où il est contraint de leur faire sauter un repas, puis deux, puis trois. Après tout, sauter un repas n'a jamais tué personne. Pourvu qu'elle tienne jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Bonjour, Julio. C'est Léa qui m'envoie. Elle est inquiète, comme nous tous. Qui, nous? On se connaît pas, à ce que je sache. On s'est croisés à la vente d'André, il y a quelques mois. Ouais, je me souviens. Je suis pas zinzin. Qu'est-ce que vous me voulez? Faire de moi un bon petit soldat qui rend les armes? Je viens juste voir si tout va bien. Tout va bien, merci. Allez, au revoir. Attendez! Vos bêtes sont en danger. Qu'est-ce que vous racontez? Si vous touchez à mes bêtes, je vous fume la tête. Et je rigole pas quand je dis ça. Faites pas de conneries, Gilou. Calmez-vous. Ah, mais je suis très calme. Tant qu'on s'approche pas trop près du museau de mes beautés. Vos beautés n'ont plus rien à manger. Et manifestement, vous non plus. Je gère. J'ai bien peur que non. Et le camion du laitier se casse les dents tous les matins depuis deux semaines. Et vous répondez plus aux messages de la coopérative non plus. J'ai changé de système de collecte. Je leur fais plus confiance avec leur putain de contrat d'exclusivité. Et pourquoi ça serait eux qui décident de combien je dois toucher? Gilou, vous vous en sortez plus. C'est vous qui le dites. S'il est encore temps d'en sauver quelques-unes. Elles ont encore un peu de foin par-ci, par-là. On peut les mettre en dépôt le temps de les retaper. J'ai donné ma vie à ces bestioles. Je sais. Elles souffrent, et vous souffrez. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va falloir capturer les plus désorientés. On est là pour vous aider. Ah ouais. Vous n'êtes pas venu seul, hein? Il y a l'équipe aussi. Allez, posez cette arme. S'ils la voient, ils vont tirer. Ah, tant mieux. Qu'ils me fument et qu'on n'en parle plus. Ils sont pas là pour ça. Et elles iront où, mes bêtes? Les plus solides rejoindront d'autres fermes. Je vais vous montrer celles qu'on peut encore sauver. C'est bien. Il n'y a plus de danger. Dites-vous que dans une semaine, votre ferme n'aurait été qu'un vaste cimetière. Vous voyez cette cartouche? Elle m'était destinée. Dans quelques temps, ça ira mieux. Vous aurez plus à penser à tout ça. J'aurai plus besoin de compter. Non, Gilou. Je vais enfin me reposer. L'histoire de Gilou raconte la fin d'un monde. Celui d'une agriculture à taille humaine qui vit peut-être ses dernières décennies. Dans la campagne profonde, au petit matin, entre chiens et loups, dans la nuit noire, au fond des vallées, hiver comme été, combien de paysans souffrent en silence et dans une grande indifférence. Les fermes-usines et les manèges automatisés aux 1000 vaches à lait menacent de remplacer les petites exploitations. Ils cherchent pourtant tous les jours à se réinventer, quand il leur reste un peu de combativité. Il suffit d'un grain de sable et tout se grippe. Des prix à la baisse, une épidémie dans un cheptel, une maladie des sols, la marge trop élevée des coopératives, des quotas anarchiques, et c'est la dégringolade d'un homme, d'une femme, de toute une famille. S'il tient jusque-là, Gilou touchera sa maigre retraite, avec le regret de n'avoir pu transmettre à sa petite Lily le goût des vaches et l'amour qui va avec. C'était L'amour vache de Manuel Calma. Avec Alexis Rangard, Gilou, Élise Arpentinier, Nadine, Thomas Dahl, André, Yvan Cory, Lucien, Fleur Sulmont, Léa, Aurélie Raynorn, la narratrice. Et les voix de Claudie Decultis, Élodie Vincent, Sylvain Potier et Jean-Charles Deloume. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Arnaud Chapat. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Sophie Houde-Picon. Si j'étais paysan, tu serais paysanne. Il est joli ce mot, tu trouves pas? Parfois mes gros sabots t'écrasent une larme, mais tu me calmes, tu m'en veux pas. Si j'étais paysan, tu serais paysanne. J'ai trouvé ce mot sur mes pas. Tu germais dans mon sillon graines de sésame, mon grain de peau, mon pain, ma foi. Je sème la bourre, sarc les fans, un sacré terroir, sol ingrat. Toi seul berce dans tes bras ma charrue et sa vieille lame. Si j'étais paysan, tu serais paysanne. Il te va bien ce mot, il m'envahit. Un pays sans paysan n'est pas un pays. Je ne serai pas sans ma paysanne. France Inter, il est 8h08, J-1 avant l'ouverture du Salon d'Agriculture à Paris. 600 000 visiteurs attendus cette année encore pour découvrir les animaux et les produits du terroir. Mais côté face, loin des allées du Salon parisien, il y a aussi les chiffres noirs de l'agriculture. 30% du monde agricole vit avec moins de 350 euros à la fin de chaque mois. Un suicide par jour dans les fermes françaises. Hier encore, c'est une agricultrice des Côtes d'Armor qui a mis fin à ses jours. Dans sa salle de traite, à Plumieux, elle était submergée par les dettes. Joanne Moison. Céline avait 47 ans, deux enfants, fille d'agriculteur. Elle était productrice de lait avec son mari et un associé. C'est d'ailleurs lui qui a découvert le corps hier matin. Dans le hameau où la plupart des habitants sont agriculteurs, c'est évidemment la consternation. Sébastien est le plus proche voisin. Ça choque, mais quand on voit que la crise agricole, c'est pas évident. Hein. Pour les vaches laitières en porc, tout ça, ça travaille les gens. Hein. L'agricultrice aurait laissé un écrit pour exprimer son désarroi face aux difficultés financières. Elle a mis fin à ses jours dans la salle de traite, un lieu symbolique pour Christophe, un autre voisin, également producteur de lait et de céréales. C'est le lieu de travail. On est deux fois par jour matin et soir, disons 3 ou 4 heures. C'est là qu'on voit le lait qui arrive, tout ça, et on se dit, il n'est pas payé le lait. Christophe n'a pas été surpris en apprenant ce nouveau suicide. Il y en a eu ailleurs dernièrement, c'est pas rare, et je pense que si ça continue, il y en aura d'autres. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'amour vache. Notre invité, Laurent Pinatel, paysan dans la Loire et porte-parole nationale de la Confédération Paysanne. Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Vous êtes paysan dans la Loire et porte-parole nationale de la Confédération Paysanne. Dites-nous d'abord ce que vous faites réellement, parce que quand on est paysan, on est soit céréalier, soit producteur de lait, producteur de viande. Beaucoup d'activités agricoles. Voilà, moi je suis paysan depuis 1995 sur la ferme de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et je suis associé avec ma sœur, Catherine, et on élève avec trois salariés qui travaillent avec nous, 40 vaches laitières et 15 vaches à viande. Avec de la transformation à la ferme, on fait des yaourts à la ferme, on fait de la viande distribuée, découpée et distribuée à la ferme, et puis on fait aussi une activité steak haché. Et on est en agriculture biologique sur 125 hectares, donc juste à côté de Saint-Étienne, sur une commune qui s'appelle Saint-Genelaire. Vous êtes une synthèse de l'agriculture française, à la fois des vaches laitières, des vaches à viande, du bio, de la production sur place. Hein, c'est une synthèse. Oui, disons qu'on s'est adapté à notre territoire, à ce que notre ferme pouvait produire comme herbe, comme céréales, pour nourrir nos animaux, et on a mis en place des productions qui nous permettent de nous affranchir de la loi des marchés, en vendant en direct, et puis avec un bassin de population à toute proximité de chez nous. Donc voilà, on a essayé d'exploiter au maximum les potentialités qui étaient celles de notre environnement, pour essayer d'être des paysans et rémunérés, et créateurs d'emplois, et puis si possible heureux. Donc, il y a des paysans heureux, et heureusement. Et puis il y en a qui sont vraiment très malheureux. Dans le journal Le Parisien, daté de janvier 2016, un salarié de la mutualité agricole témoigne de cette crise dans le monde agricole, de cette solitude qui pousse parfois au suicide. Et il dit cette phrase très forte. On réagit à certains signes comme des volets fermés. Donc on comprend ce que ça veut dire. Ces signes de détresse, vous y êtes confrontés. Alors, dans le cadre de vos activités à la Confédération Paysanne, comment faites-vous? Comment vous y répondez? Comment vous intervenez? Et surtout, est-ce que vous intervenez en préventif? Comment ça fonctionne? Alors, nous, Confédération Paysanne, on a un syndicat, donc on essaye de peser sur les décisions politiques et les politiques publiques pour faire en sorte que les paysans soient rémunérés et heureux. Après, force est de constater que le système agricole tel qu'il est construit et bâti depuis une quarantaine d'années génère de la disparition d'emplois paysans, nombreux, et des paysans qui sont de plus en plus en difficulté. Donc on travaille de façon étroite à la Confédération Paysanne avec une association qui s'appelle Solidarité Paysan. Solidarité Paysan qui est un réseau de bénévoles avec des salariés qui accompagnent les paysans en difficulté, qui va rencontrer au quotidien dans les fermes les gens qui sont en difficulté morale et financière pour parler déjà, pour libérer la parole, c'est une première étape, et puis essayer de trouver des solutions qui peuvent être l'arrêt de l'activité quand c'est trop compliqué, ou alors comment on arrive à relancer l'activité par des changements de système. Donc voilà, on travaille avec cette association Solidarité Paysan qui effectivement est en phase avec la grande douleur du monde paysan du moment, quoi. Et vous avez été confronté, vous, à la Confédération Paysanne, à un ou des suicides, notamment dans votre département et dans le rayon d'action dans lequel vous intervenez? Les suicides, en fait, il y en a effectivement, il y en a beaucoup, donc de près ou de loin, on est tous plus ou moins touchés par des gens qui se suicident régulièrement. Ça fait souvent des vagues, hein, comme on dit, de suicides, c'est-à-dire on sait qu'à un bout du département, quelqu'un a mis fin à ses jours et puis quelques temps après, il y en a un autre parce que... quelque part, malheureusement, ça donne des idées. Hein. Moi, à titre personnel, mon histoire syndicale, elle est marquée par le suicide, puisque moi, j'ai un copain assez proche qui s'est suicidé en 2005. Et c'est vrai que là, ça repose la question de, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour que les situations, qui sont toujours des situations imbriquées, hein, il n'y a pas qu'un problème économique. Lui, c'était le problème classique du surtravail, du surendettement, son épouse qui décide de partir, la rupture avec ses enfants qu'il voyait plus, et on se noie encore un peu plus dans le travail, et puis on essaye d'oublier par tous les moyens possibles que ça va mal, un peu d'alcoolisation, j'allais dire, enfin, c'est des systèmes classiques, quoi. Et là, on se dit, bon, bah voilà, moi je suis sur ma ferme, je suis pas très loin, je me sens quand même suffisamment loin pour pas me sentir coupable, mais assez loin pour pas me sentir responsable. Et de là, forcément, naît, à titre personnel, hein, cet engagement de dire, bon, voilà, il faut faire un petit peu plus que ce que tu fais au niveau syndical. Et mon engagement à la Confédération Paysanne Nationale, il naît aussi de ça. Enfin, après, j'ai deux voisins très proches et qui j'étais moins près parce qu'ils étaient plus vieux que moi, qui se sont suicidés entre 93 et 2005. Moi, j'ai trois de mes proches voisins qui se sont suicidés. Donc, forcément, ça interroge et forcément, ça interpelle. Ouais. Bien sûr. Prenons un exemple concret. Qui sont aujourd'hui les agriculteurs le plus en difficulté? Ce sont les éleveurs, par exemple? Qui sont les plus en difficulté? Je pense qu'aujourd'hui, c'est les éleveurs, effectivement, les éleveurs. Qui sont les plus en difficulté. Mmh. Et les gens qui sont le plus en difficulté, c'est pas forcément des petites fermes ou c'est surtout des fermes qui ont surinvesti, qui ont trop investi. Alors, pas parce que les mecs, ils avaient la folie des grandeurs, mais simplement parce qu'on leur a vendu le système. Votre revenu, c'est un volume de lait, de viande, multiplié par un prix. Le prix baisse, produit des ondes plus. Ouais. Donc, effectivement, le gars qui faisait 200 000 litres de lait par an, si le prix a baissé, il s'est dit, je vais en faire 300 000 ou 400 000. Le problème, c'est qu'après, au niveau vivabilité, au niveau travail, au niveau temps passé sur exploitation, c'est plus possible. Alors, au imaginons. Niveau investissement, au niveau endettement, le surendettement, c'est là la principale cause des difficultés au niveau agricole. D'accord. Mais au départ, on va prendre un éleveur, donc en situation difficile. C'est quoi son emploi du temps? Je veux dire, il n'a pas le temps de se reposer, peu de vacances, écrasé de dettes. Il faut énormément travailler pour gagner peu. C'est quoi le portrait d'un agriculteur qui souffre? Je pense que c'est ça. Hein, le portrait, c'est quelqu'un qui se fait prendre par le système, qui a trop de travail, donc qui mécanise, qui investit pour soulager sa tâche de travail, mais qui du coup contracte des dettes, qui a une pression psychologique plus forte, qui a des prix qui continuent à descendre en fait, hein, y a pas de miracle, les prix agricoles ils sont en chute libre ou stabilisés sur des niveaux bas depuis des années, donc le gars il est pris dans cette spirale où il travaille beaucoup, où il est endetté, où il n'arrive plus à avoir de revenus. Donc là, la problématique revenu, elle est forte. Et puis, il y a la problématique, je me coupe du reste du monde. Quand je passe ma vie au boulot, quand je suis toujours en train de travailler, j'ai plus ce lien social indispensable avec ceux qui m'entourent. Donc du coup, je suis plus en phase avec les gens. Moi, je me rappelle le passage aux 35 heures, où j'ai plein de collègues paysans qui disent, nous, on travaille 70 heures, et eux, ils travaillent 35 heures maintenant. Et la revendication, c'était pas de dire comment on fait pour travailler moins, c'était de jalouser quelque part ces gens qui avaient accédé à cette avancée sociale. Et ça, c'est un vrai problème de rupture. Déjà qu'il y a une rupture géographique. Les paysans sont tout seuls dans la nature et le lien social, il est important. Donc, isolement, fatigue, manque de recul. Quand on est toujours le nez dans le guidon, toujours à travailler, on n'a pas ce pas de côté pour dire « Ah oui, mais en fait, je pourrais faire différemment. Et peut-être que si je fais différemment, bah, je pourrais être moins fatigué. » C'est important de pouvoir prendre ce pas de côté. Et c'est cette spirale qui fait qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Et soit ils ont le réflexe de dire « Ok, je vends ma ferme et je me barre. » Ou alors, ils se sentent complètement pris à la gorge. Et puis, voilà quoi. Et puis, je vends ma ferme et je me barre. Facile à dire. Souvent, les agriculteurs sont agriculteurs par tradition. C'est une culture. Mais c'est plus que pas facile de dire « Je mets la clé sous la porte. » Non. Non. Il y a un attachement à la terre, quoi. Ouais, il y a le milieu agricole qui est quand même marqué par, la valeur travail. Il faut travailler. Un paysan qui travaille peu, c'est pas un vrai paysan, en fait. Oui, et puis même, quelqu'un qui prend des vacances, qui prend des loisirs, c'est pas vraiment un paysan comme les autres, quoi. Mm-hmm. Il y a quand même ça qui est marqué. Et puis le poids de l'héritage. Il y a encore beaucoup de fermes qui sont transmises de façon familiale et où les gens reproduisent ce qui était déjà sur la ferme. Et où c'est pas simple d'expliquer à la personne qui vient de céder, qu'il soit de la famille ou pas d'ailleurs, qui vient de transmettre son exploitation, de dire, moi, je vais faire différemment. C'est pas simple parce que on a l'impression que la filiation elle se fait plus. Donc il y a ce poids et il y a des gens qui osent pas affronter ce poids-là. Donc voilà, c'est tous ces éléments mis bout à bout qui font il y a l'isolement et puis après arrive aujourd'hui dans le paysage actuel des gens qui viennent montrer du doigt l'agriculture avec potentiellement beaucoup de raisons de montrer du doigt l'agriculture en disant mais vous faites n'importe quoi les gars, vous rendez compte, les algues vertes, vous avez pollué, il y a des pesticides partout et c'est vachement douloureux pour les paysans qui font de leur mieux et en plus on leur dit mais vous faites n'importe quoi. J'imagine, Laurent Pinatel, on va continuer à parler de cela et notamment de ce que vous venez d'évoquer. On va souffler 3 minutes puis on se retrouve juste après. First day of the run, let the game begin. Show me how to stand the cold sun and the bright sun. Second day coming on, let me take your hands. You will understand the cold sun and the bright sun. Flowers and again. Sometimes friend. Hadi Shad's my friend. Laurent Pinatel, on va revenir avec vous sur la condition du monde agricole. Et déjà, merci à la fois pour vos explications et pour votre témoignage. Est-ce que ça veut dire, vu la situation qu'on a exposée tout à l'heure, que la transmission, qui est un pilier de la culture agricole hein, et de ce métier-là, est-ce que la transmission familiale, vu le contexte, est menacée aujourd'hui? Alors, ouvertement menacée. La transmission familiale existe de moins en moins quand même. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en agriculture qui sont plus issus du milieu agricole. Donc ça, c'est clair. Et après, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 30% des paysans qui ont plus de 55 ans. Ouais. Donc se dire que le renouvellement de la génération, il va falloir le poser. Alors, est-ce qu'on le pose en des termes, comment on va faire grossir les fermes, en mécanisant, en investissement, en robotisant, ou est-ce qu'on va arriver à donner de l'attrait à ce métier autrement qu'en vendant du faux rêve, quoi. Tous ces gens qui viennent nous dire mais oui, vous rendez compte, les paysans, vous êtes super compétents, vous êtes formés, les pesticides c'est dangereux, mais regardez, vous allez vous équiper et puis vous allez vous protéger, et comme c'est un produit dangereux que vous êtes formés, on va vous confier l'utilisation de ce produit. Ben les OGM, bien. C'est pas génial, mais vous êtes des paysans vraiment formés, hein, et vous allez pouvoir. Et les jeunes, ils se font prendre à ce piège-là, ouais. Parce qu'ils sont valorisés par ce biais-là, et cette rupture qu'on évoquait tout à l'heure avec le reste de la société, elle trouve là une espèce de compensation. Et moi, c'est quelque chose qui me blesse beaucoup, en fait, de voir des gens qui étaient à l'école avec moi, par exemple, et qui se sont enfermés, qui se sont laissés enfermer sur leur métier, et qui, comme seule réalisation dans leur vie, non que d'avoir des gros tracteurs, d'utiliser des pesticides, d'utiliser l'agriculture, la grosse armada, quoi. Et ouais. ça, c'est un vrai problème. Alors, est-ce qu'il y a, on reviendra sur l'agriculture raisonnée, mais avant cela, d'abord, un autre constat, il y a des disparitions, des suicides, et puis il y a des disparités dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a dans l'agriculture, un peu comme la France qui souffre et la France qui souffre pas? Est-ce qu'il y a deux agricultures comme ça? Ah oui, il y a plusieurs agricultures, ça c'est clair. Oui. Et après, il y a des agricultures qui, aujourd'hui, sont en grande souffrance. Il y a l'élevage, mais il y a aussi toute l'agriculture, l'arboriculture, qui souffre énormément, certains viticulteurs, certains maraîchers. Et puis, il y a une agriculture qui, honnêtement, demande peu de travail et capte énormément d'argent public. Hein, c'est la grande agriculture céréalière. Qui, elle, est l'héritière de toutes les négociations de la PAC, qui capte beaucoup d'argent public et qui est plutôt sur les bonnes terres. Donc, il y a effectivement deux agricultures qui s'affrontent, deux mondes agricoles qui s'affrontent. Et vient aujourd'hui se rajouter sur ce phénomène les fermes-usines, la capitalisation des gens qui amènent du fric dans l'agriculture et qui disent, bon, on va faire 1000 vaches ici, on va faire 20 hectares de tomates ailleurs. Et ces agricultures-là, elles sont en train de bousiller toutes les petites agricultures. Et moralement, parce que quand on voit qu'on a 40 vaches et qu'il y a un mec qui va en avoir 1000, on se dit, mais en fait, je vais disparaître. Alors que c'est pas vrai, c'est le contraire. Et il y a aussi cette négation du métier du paysan qui est liée au territoire. Donc il y a tout ça qui se mélange. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a une agriculture qui va mal et une agriculture qui va bien. Est-ce que la mondialisation a des effets dévastateurs? Parce que tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est presque la financiarisation de l'agriculture aussi, hein? Oui, c'est la financiarisation de l'agriculture qui a pour but de servir des marchés mondiaux, donc d'aller vers la mondialisation. Nous, par exemple, sur notre ferme, notre lait bio, il part pour partie sur le marché local, parce qu'on le commercialise directement, et pour une autre partie, l'entreprise avec laquelle on travaille, le commercialise sur le marché chinois. Et on se dit, il y a quand même un problème. Pour aller sur le marché chinois, faut être meilleur en prix que tous les autres. Il faut baisser les prix. Et cette guerre du prix, on voit bien que les grands groupes laitiers, ils se portent bien. Enfin, Lactalis, Sodial, pour ne citer qu'eux, c'est des groupes qui se portent bien, qui font des profits. Et les paysans, eux, ils crèvent. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de répartition des marges. Il y a un vrai problème de répartition de la richesse. Et les paysans, ils ont droit à la richesse qui est issue du fruit de leur travail. Et ce refus des grands groupes et des politiques de se donner les moyens de répartir correctement cette richesse aboutit à des situations de désespoir telles que, oui, on est dans une crise sociale. Enfin, c'est énorme quand même le nombre de suicides en agriculture. C'est énorme le nombre de gens qui décrochent. Maintenant, je pense à ceux qui devaient être des partenaires, qui peuvent être parfois des adversaires, les banques, pour l'investissement quand même, fou, l'investissement, les grandes surfaces, peut-être même les coopératives. Trois points. Oui, là, il y a les banques, effectivement, hein, les banques, la grande distribution et la grande transformation se portent très bien. Hein. Bien. Donc voilà, et les paysans se portent mal. Donc les grandes surfaces maintenant. Je pense que les grandes surfaces, on voit bien que eux, leur volonté, c'est soit de vendre du prix bas pour piquer le client à leur concurrent adversaire, soit alors de capter une image de marque du paysan. On voit pour le moment qu'il y a tout un tas sur nous on va faire du bio, nous on va faire de la super agriculture. Il y a un marché à prendre, forcément. Voilà, il y a un marché à prendre. Ça se fait toujours sur le dos des paysans. Il y a la transformation qui, elle aussi, vit bien sur le dos des paysans. Et cette transformation qui, elle, c'est encore pire, elle utilise l'image de marque du paysan. C'est-à-dire, on force les paysans... C'est quoi l'industrie agroalimentaire, c'est l'industrie agroalimentaire. Oui. Par exemple, en lait, on utilise l'image du paysan de ce qu'il était avant, en fait. On vend une image qui n'existe plus. Les vaches qui pâturent sous les pommiers, c'est joli. Alors qu'en fait, les prix pratiqués poussent les paysans à avoir de plus en plus de vaches. Et au bout d'un moment, les vaches, elles ne sortent plus. Elles sont coincées dans des fermes, voire même dans des usines. Donc là, il y a un mensonge sur le dos du paysan. Et puis après, les banques, la banque verte, le Crédit Agricole, on le voit bien, chaque fois qu'il y a des difficultés financières, il ne joue pas le jeu. Stéphane Le Foll avait dit, sur la dernière crise, l'État va prendre un tiers de la dette, les paysans vont devoir prendre un tiers, se débrouiller tout seul sur ce tiers-là, et les banques prendront un tiers. Et les banques n'ont rien pris du tout. Et les coopératives maintenant, rapidement. Coopératives, moi je suis embêté parce que je livre un grand groupe coopératif qui s'appelle Sodial. Ah bon, dites quand même alors. Mais voilà, les coopératives aujourd'hui, elles ont été complètement dévoyées de leur fonction première. Les coopératives, elles ont été créées par les paysans pour créer un revenu pour les paysans. Elles marchent très bien quand elles sont à taille humaine. Je pense par exemple au secteur de l'Aïeul, dans le nord Aveyron, où il y a des paysans qui sont rémunérés par la coopérative Jeunes Montagnes, toutes les coopératives du comté, toutes les coopératives qui se sont mis sur des créneaux de qualité, ou des coopératives de producteurs de fruits ou de légumes qui sont sur des créneaux de qualité. Après, les monstres coopératifs, qui soient dans le monde de la viande ou dans le domaine du lait, eux, ils sont devenus des empires financiers qui servent uniquement à capitaliser l'outil et qui ont perdu leur fonction première d'aider les paysans. Bien, donc on a vu tout ce faisceau de difficultés, voire d'empêchements, d'âpreté aux gains, aux dépens des agriculteurs, mais est-ce que les agriculteurs aussi portent une part de... Il n'y a ni accusation déguisée dans ma question, ni présomption, hein, mais est-ce que l'agriculture elle-même porte aussi une part de responsabilité dans son malheur, oui ou non? Oui, je pense que la profession agricole dans son ensemble porte une grosse part de responsabilité. On s'est enfermé dans un système qui ne marche pas. Il y a une agriculture qui aujourd'hui ne marche pas, c'est celle qui est mise en place depuis 40 ans, qui fait qu'il y a énormément de paysans qui disparaissent, qu'il y a des suicides, qu'il y a des situations financières et humaines dramatiques. Cette agriculture-là ne marche pas. Cette agriculture-là, il faut quand même le dire, elle est assumée, revendiquée par le syndicat majoritaire, la FNSEA, et on nous la présente comme étant l'agriculture d'avenir et moderne. Enfin, moi, ça me fait pas rêver, hein. Des gens qui bossent 80 heures par semaine pour gagner 350 euros par mois avec un suicide tous les 3 jours. Et puis après, il y a une autre agriculture qui est une agriculture qui balbutie, on va dire. Des gens qui progressivement commencent à avoir un peu de terre, à produire un peu. Ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. C'est ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, qu'on pourra appeler l'agriculture moderne, l'agriculture que porte la Confédération paysanne. Une agriculture qui où tout le monde peut se retrouver, où on raisonne l'autonomie de la ferme. On essaye d'acheter le moins possible, on essaye de servir des marchés locaux, soit en vente directe, soit en collectif. Moi, mon lait qui part à la coopérative, je préférerais qu'il aille être vendu dans les grandes surfaces de Saint-Étienne que sur le marché chinois, par exemple. Et la FNSEA, elle, reste sur ses positions? Ah oui, la FNSEA, enfin, écoutez Christiane Lambert, sa présidente, de dire dans les états généraux de l'alimentation, mais en fait, tout va bien, il faut pas changer. Mais non, il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va. Et ceux qui s'en sortent, ils ne s'en sont remis qu'à eux-mêmes. Ils ont choisi des marchés où il n'y a pas de concurrence. Ils ont choisi des marchés où on montait en gamme. Et le discours d'Emmanuel Macron, qui peut paraître assez curieux de la part d'un ultralibéral, de dire on va monter en gamme et puis on va sauver l'agriculture en ayant une agriculture de meilleure qualité, pour nous, il est quand même assez séduisant. On attend juste que dans la loi qui nous prépare, ce soit vraiment traduit dans les faits. Bien sûr. Bien sûr. Laurent Pinatel, merci. Merci à vous. Merci encore une fois pour vos explications et votre témoignage. Merci beaucoup. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, L'amour vache, une fiction écrite par Manuel Calma, réalisée par Sophie Haute-Picon et Anne-Lie Auro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot et Jean-Philippe Jeanne.